Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 8, colonne 1. Sherbrooke PQ. À nos abonnés. Tout abonné ou lecteur qui nous donnera les noms de 6 abonnés et nous enverra l'argent de ces 6 abonnements aura droit à un abonnement d'un an gratuitement. À nos correspondants. Nous prions nos abonnés des cantons de l'Est de vouloir bien nous envoyer, le plus souvent possible, le rapport de ce qui se passe d'extraordinaire dans leur localité. Les opprimés de toutes sortes trouveront toujours aide et protection. À nos amis. La rédaction du Progrès de l'Est sera faite par collaboration. Nous entendons faire du journalisme tout à fait impersonnel, éviter toute attaque grossière et malveillante. On a déjà commencé à nous insulter, mais nous avertissons les fauteurs de ces débauches de plumes que nous regardons comme non avenu tout ce qui n'est pas digne d'un gentilhomme. En baisse. Notre confrère de la rue King a fait une découverte. Il trouve que pour une certaine personne, qu'il ne cesse d'essayer de piquer, le métier de journaliste est en baisse. Qu'il sache une fois de plus que l'honneur de la personne qu'il vise ne sera jamais en baisse avec la grâce de Dieu, mais qu'il nous permette de retourner à un proverbe bien connu et de lui dire « baissera bien qui baissera le dernier ». Bienvenue. Nous avons le plaisir de souhaiter une cordiale bienvenue à M. Wilfrid Cameron. M. Cameron est arrivé vendredi dernier à Sherbrooke pour exercer la profession d'avocat en société avec M. L.C. Bélanger. M. W. Cameron est bien connu à Sherbrooke où les membres de sa famille sont nombreux. En 1878, on remarquait dans l'étude de M. Bélanger un jeune clerc actif et laborieux. C'était M. Cameron qui étudiait sa profession et qui revient maintenant avec son ancien patron en qualité d'associé. M. W. Cameron a su s'acquérir un nom dans la presse comme rédacteur de La Voix du Peuple, qu'il rédigea de 1881-82 pendant 17 mois, puis il prit la direction du Messager de Nicolet, qu'il a gardé jusqu'à son départ pour Sherbrooke. Salut donc et prospérité à la nouvelle société Bélanger et Cameron. Dimanche dernier, à la messe de 6 heures, Mgr l'évêque a conféré le diaconat à M. l'abbé Séguin. La rentrée des élèves au séminaire Saint-Borromée a été nombreuse. Ce bel établissement, nouvellement agrandi, faisait plaisir à voir dans sa nouvelle toilette à l'intérieur. Les élèves arrivaient enchantés d'habiter ce palais de l'éducation et leurs figures rayonnaient de bonheur en revoyant leurs maîtres affectionnés. Le personnel enseignant s'est accru de 2 professeurs nouveaux. Ce sont M. l'abbé Mathieu, professeur de théologie, ancien curé de Saint-Cajetot de Potonne, et M. l'abbé Gagnon, ordonné prêtre depuis, le 8 juillet dernier, comme professeur de belles-lettres. Voilà déjà l'hiver qui semble faire son apparition. Lundi dernier, le froid a été presque glacial. Le soleil a dédaigné de venir saluer notre industrieuse cité. Les paletots et les châles semblaient un bienfait des dieux. À quand la neige? À propos de froid, nous entendons dire que le charbon, comme matière combustible, va prendre de l'extension cet hiver dans notre ville. Ce ne serait pas un mal pour ceux qui sont obligés d'acheter du bois. Déjà deux Belges, amenés par M. G. Weckmann, ont repris le chemin de la Belgique. Nous croyons savoir que deux autres vont bientôt suivre cet exemple. La Cour supérieure s'ouvrira ici lundi prochain. C'est alors que M. le juge Plamondon doit prononcer des jugements dans plusieurs causes importantes plaidées devant lui depuis le printemps dernier. Nous apprenons que M. Béchard, tout récemment encore rédacteur en chef du Saguenay, vient d'être appelé pour fonder un nouveau journal aux États-Unis. Ce nouvel organe portera le nom de Rappel et paraîtra, croyons-nous, cette semaine à Johnsbury, Vermont, et sera hebdomadaire. Succès aux nouveaux confrères. M. H.C. Cabana, avocat de notre ville, doit s'embarquer lundi prochain pour la France avec M. Chicoine. Il a obtenu, hier soir, du conseil de ville, un congé d'absence de 3 mois à cette fin. On ne connaît point exactement le but de leur voyage, mais on dit que c'est en rapport avec les affaires de la Société de colonisation et de crédit des cantons de l'Est, dont M. Cabana est l'un des actionnaires. On sait que les capitaux de cette compagnie ont été fournis à M. Chicoine par des capitalistes français et que M. Chicoine, avec sa libéralité bien connue, n'a point hésité à s'associer des coadjuteurs. Il y a 5 ou 6 citoyens de la ville qui ont des intérêts dans cette compagnie sans trop savoir pourquoi. Mais enfin, ils sont actionnaires, et quand on est actionnaire, il faut bien faire son métier. Comme le vent souffle aux entreprises françaises, il est probable que ces messieurs veulent profiter du bon temps, faire mousser l'avantage des moulins nantais et la colonisation du canton de Woburn dans l'intérêt de la religion et du patriotisme. Ceux qui connaissent le désintéressement à toute épreuve ne sauraient se montrer parcimonieux d'éloges en cette circonstance. Comme nous sommes de ce nombre, nous nous empressons de leur souhaiter bon voyage dans toute la force du mot. Puissent-ils nous revenir sains et saufs, leurs malles bien garnies de valeurs françaises et avec de nouveaux projets et de grandes conceptions pour l'honneur du Canada français. Que surtout, Neptune n'aille point s'aviser de leur faire faire naufrage à un moment où leurs aspirations sont si pures. Depuis quelques jours, les citoyens ébahis voient passer dans la rue les puissantes machines de notre unique fabrique de papier. La compagnie qui en est propriétaire les enlève d'ici et les fait transporter à son vaste établissement de Windsor Mills. Elle paraît qu'elle n'a pu conclure d'arrangements satisfaisants avec la compagnie anglo-américaine des terres en vue du renouvellement de son bail. La conséquence est que nous perdons une industrie importante établie ici depuis une 30aine d'années et qui était le gagne-pain d'un grand nombre de familles. Les gages payés chaque mois aux ouvriers s'élevaient à environ 1 500 $. On y consommait environ 1 200 cordes de bois par année. Eh bien, tout cela s'en va maintenant à 15 000 d'ici. C'est autant de perdu pour nos négociants et nos colons des environs de la ville. À qui la faute? Dans certains cercles, on dit que cette fabrique répandait parfois une mauvaise odeur. Belle raison, vraiment. L'odorat trop délicat de quelques mauvais riches devrait-il être une cause de perte pour les pauvres? Au reste, l'industrie est encore naissante au sein de notre ville et nous ne saurions difficilement nous en passer. Il est donc à espérer que la Compagnie des Terres saura bien combler cette lacune. Depuis quelques années, elle se targue d'être libérale envers le public. Voici une excellente occasion pour elle d'en donner une nouvelle preuve. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.